بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في المسألة 20 بعد 100، 100 مسألة، كي لا دنيا مسألة كنا مخلصنا صلاة الحج. بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. Dans le sens où Allah a dit que nous n'avons envoyé avant toi de messager ni de prophète sans que Shaitan n'ait tenté d'intervenir dans sa récitation, c'est-à-dire pour semer le doute dans le cœur des gens. Surat Al-Hajj, verset 52. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يلقى أو يلقي الشيطان في أمنيته أي تلاوته إذا تلا. Donc ce noble verset démontre que chaque messager ou chaque prophète, Shaitan, est tenté d'intervenir dans sa récitation du livre d'Allah Azzawajal, de ce prophète ou de ce messager. Et il cita après des vers de poésie montrant que le sens de Omniyah a le sens de tala yatlu, qui veut dire rester ou lire. Wa fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas annahu qala idha tamanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi, yani idha haddatha alqa ash-shaytan fi hadithihi. Donc Ibn Abbas fut interrogé à propos de ce verset et il dit qu'en fait, dans Sahih al-Bukhari, c'était apporté cette parole, qu'en fait, que si jamais le prophète ou le messager se met à parler et à apporter de la révélation, que Shaytan tente d'intervenir dans sa parole. وقال بعض العلماء إذا تمنى أحب شيئا وأراده فكل نبي يتمنى إيمان أمته والشيطان يلقي عليهم الوساوس والشبه ليصدهم عن سبيل الله. Et certains علماء ont dit que le sens de تمنى, qui veut dire s'il souhaite ou aimerait quelque chose, que chaque prophète en fait aimerait que sa communauté ait la foi. Donc Shaitan vient pour leur insuffler les wasawis ainsi que les ambiguïtés afin de leur faire obstacle pour qu'ils ne parviennent pas au sentier d'Allah Azzawajal. وعلى أن تمنى بمعنى قرأ وتلا كما عليه الجمهور فمعنى إلقاء الشيطان في تلاوته إلقاؤه الشبه والوساوس فيما يتلوه النبي ليسد الناس عن الإيمان به أو إلقاؤه في المتلوي ما ليس منه ليظن الكفار أنه منه. Donc là, dans le sens, il y a le sens de tamanna ou le sens de rester ou de lire, comme on l'a dit au début, et c'est la parole du jumhur des ulama. Cela veut dire que Shaitan, en fait, intervient dans la récitation du prophète afin d'empêcher les gens de croire. C'est-à-dire qu'il intervient dans cette récitation même en la perturbant et également en y apportant ce qui fera croire, mais c'est au mécréant, que cela fait partie du livre. Au moment où le prophète ou le messager va réciter, Shaitan apporte quelque chose en plus lors de la récitation qui fait croire aux gens, qui leur apporte des ambiguïtés et qui empêche les koufars de croire. ثم قال: وهذه الآية لا تعارض بينها لا تعارض بينها وبين الآية المصرحة بأن الشيطان لا سلطان له على عباد الله المؤمنين المتوكلين. Et ce verset-là, en réalité, n'a aucune contradiction avec les autres versets clairs dans lesquels Allah Azza wa Jalla dit que Shaitan n'a aucune autorité, aucune domination sur les serviteurs d'Allah croyants qui placent sa confiance en lui. Ça, là, cette masala, on l'a dit auparavant également. Mais là, il la recite, car elle a un lien, bien évidemment. قال ومعلوم أن خيارهم الأنبياء كقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Donc par rapport à ses serviteurs, Shaitan n'a pas d'emprise sur eux, aucune emprise, et bien évidemment, les meilleurs de ses serviteurs sont les NBA. Donc de là, Allah Azza wa Jalla, dans le sens, il dit que certes, il n'a aucune emprise sur ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Mais son emprise, sa domination n'est que sur ceux qui s'allient à lui et ceux qui lui associent. Un qui associe entre Allah et Shaitan. Les abeilles, verset 99 et verset 100. وَقَوْلِهِ تَعَلَىٰ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا لَزِنَا تَبَعَكَ مِنِ الْغَاوِينَ. Et Allah il dit à Shaitan, certes, mes serviteurs, tu n'as aucune emprise sur eux, hormis ceux qui te suivront parmi les gens déviés. Al-Hijr, verset 42. وَقَوْلِهِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَصِينَ. Que Shaitan dit quoi? Ô par ta puissance, je vais certes les égarer tous, hormis tes serviteurs parmi eux qui sont sincères. Sod, versets 82 et 83. وقوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Il dit que je n'ai aucune emprise sur vous, c'était du fait que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ibrahim, verset 22. Donc, tous ces versets-là, déjà cités auparavant, démontrent que Shaitan, à la base, n'a aucune emprise sur les serviteurs. Donc, qu'en est-il des messagers Mbeb Aouler? Plus forte raison. قال ووجه كون الآية لا تعارض بينها أن السلطان الشيطان المنفي المنفي عن المؤمنين ومتوكلين في معناه وجهان للعلماء. Donc le fait qu'il n'y ait pas de contradiction entre les versets et celui qu'on a lu au début, c'est que le sultan, on l'avait dit la dernière fois, cette emprise, en réalité le mot sultan en arabe, on va dire sultan en arabe parce que emprise ça sort du contexte qui pourrait apparaître également en arabe. Que le sultan qui a été renié, ce sultan qui n'est pas sur lequel qui n'a pas lieu sur les mu'minin, mutawakkilin, les ulama ont donné deux sens. Le premier, al-hujja al-wadiha, l'argument clair. Wa alif ala ishkal. Iz la hujjata ma'a shaytan al-batta. Donc là, celui n'a pas de problème parce que shaytan n'a aucun argument pour ce qu'il fait. Donc le mot sultan vient avec le sens de argument clair. كما اختلف به فيما ذكره الله عنه في قوله وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. Il dit que j'avais pour sur vous aucune preuve hormis du fait que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Donc là dans ce verset là sultan dans le sens de je n'avais aucun argument pour vous convaincre de ce que vous allez faire. Juste je vous ai appelé, vous avez répondu. Sourate Ibrahim verset 22. الثاني انا معناه أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعهم في ذنبه يهلكون به ولا يتوبون منه فلا ينافي هذا ما وقوع هذا ما وقع من آدم وحواء وغيرهما فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه. Également, le sens de sultan, là c'est le sens de l'emprise, qui n'a aucune emprise sur eux dans le fait de le faire tomber dans un péché qui les conduirait à leur perte et dont ils ne feraient pas tauba. Et cela ne s'oppose pas du tout avec ce qui s'est passé avec Adam et Hawa et autres que eux parmi les gens de Khayr qui ont fait des fautes, du fait que eux ils ont commis le péché, ce péché a été pardonné car ils ont fait tauba. Et ça c'est pareil pour tous les gens pieux. Quand même que la différence qu'il y a entre certains et d'autres, c'est qu'on fait tous des fautes, seulement certains font tauba. Réellement, ils ne recommencent pas ou évitent de recommencer et d'autres se noient dans les péchés et n'en ont rien à faire. قال فإلقاء الشيطان في أمنية النبي سواء فسرناها بالقراءة أو التمني لإيمان أمته لا يتضمن سلطانا للشيطان على النبي بل من جنس الوسوسة وإلقاء الشبهة لصد الناس عن الحق كقوله تعالى وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Donc il dit, le fait que Shaitan influe sur le Umniya du Nabi, c'est-à-dire Umniya, on a dit deux sens, Umniya, c'est soit le fait qu'il lise, qu'il reste le livre, ou alors le fait qu'il souhaite la foi pour sa Umma. D'accord ? Donc dans les deux sens, cela ne veut pas dire que le shaitan a une emprise sur le prophète. Mais simplement cela rentre dans le domaine des insufflations et dans le fait qu'il donne des shubuha et non pas de l'emprise de la domination. Ces choubouettes, il les donne pour empêcher les gens d'atteindre la vérité. Comme dans la parole, dans le sens où Allah, il dit que Shaitan leur a enjolivé leurs actions pour leur faire obstacle du sentier. La fourmi ou les fourmis, verset 24. قال فإذ قيل ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة فلما بلغها أفرأيتم اللات والعزى والمناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفعتهن لترتجى فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا فوجدوهم على كفرهم. Donc maintenant, quelqu'un pourrait intervenir en disant, mais il y a des mufassirun, beaucoup d'entre eux ont cité l'histoire dans la cause de la descente de ce verset. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait récité sur al-Najm à Mecca, lorsqu'il a atteint la parole dans le sens où il dit, avez-vous donc vu Al-Lat et Al-Uzza, ainsi que Manna, et les trois autres, en parlant des divinités des mouchidekines. Verset 19 à 20. Que Shaitan a mis sur sa langue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait dit, ce sont donc les grues, on va dire, les grues supérieures. Les grues, on parle des oiseaux, hein. On ne parle pas des grues. C'est un oiseau. Al-Gharaniq, c'est un oiseau à un long cou. Et dans la traduction que j'ai trouvée, c'est la grue, ce qu'on appelle la grue comme oiseau. Donc, ce sont les hautes grues dont on espère l'intercession. Ce sont les hautes grues dont on espère l'intercession. C'est-à-dire en parlant de Al-Lat, Wal-Mana, Wal-Lat, Wal-Mana, Wal-Uzza. Donc lorsqu'il a atteint le dernier verset de la sourate, il s'est prosterné et que les mouchtikouns sont prosternés avec lui ainsi qu'avec les muslimouns. Et que les mouchtikouns, ils ont dit qu'il n'a jamais cité leur divinité en bien avant ce jour-là. C'est-à-dire, par cette parole par rapport aux grues dont on espère l'intercession. C'est-à-dire que ces divinités que les mouchikouns avaient, on espère leur intercession. Et après, il s'est propagé au sein des gens que les gens de Mecca se sont soumis à Allah du fait qu'ils soient prosternés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À tel point que les muhajirines qui étaient en Habasha sont revenus en pensant que leur peuple s'était soumis à Allah azawajal. Mais en arrivant, ils se trouvaient sur leur kufr. قال وعلى هذا الذي ذكره كثير من المفسرين فسلطان الشيطان بلغ الى حد ادخل به في القران على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الكفر البواح حسب ما يقتضي ظاهر القصه المزعومه. Donc là, si on se base sur les paroles de beaucoup de ces mufassirin, que justement cette emprise de Shaitan a atteint un niveau tant qu'il a réussi à inclure dans le Coran à travers la langue du Nabi صلى الله عليه وسلم de la mécréance claire. Car cette parole rajoutée est de la pure mécréance, qu'on espère la shafa'a de cette divinité. Et cela se basant sur la parole de cette histoire, prétendue. Après, il a répondu tout simplement que cette histoire des rara'aniq, c'est-à-dire de ces grues, de ces oiseaux, cela est impossible, shara'an, au point de vue de la législation. Et également, même au point de vue des règles du hadith, l'histoire n'est pas authentique. Et que beaucoup de ulama l'ont eux-mêmes affirmé que cette histoire n'est pas authentique. Et après, il cita toutes les ilal, les défaillances et les aqwal des ulama qui sont trop longs, qu'on ne citera pas là. ثم قال ومن أسرح الأدلة القرآنية في بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها بعد ذلك في سورة النجم قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Donc parmi les choses évidemment qui démontrent que cette histoire elle est fausse, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir lu cela, qu'est-ce qu'il a dit dans le sourate Al-Najm? Qu'il a dit, ce sont là que des noms que vous avez nommés vous ainsi que vos pères, dont Allah n'a fait descendre aucune preuve. Verset 23. Donc cela justement annule cette parole à propos de ces oiseaux. Car il a dit, ce sont que des noms que vous avez nommés. Donc comment les mouchidekounes pourraient-ils se réjouir d'entendre cela, que leur divinité ne sont que des noms qui ont été nommés, et que Allah n'a fait descendre aucune preuve? Donc cela démontre bien que cette histoire-là ne peut pas être plausible. Par contre, il dit « Wa qira'atu surati an-najm bi Mekka wa sujudu al-mushrikin thabitun fi al-sahih wa lam yuzkar fihi shay'un min qissat al-gharaniq. » Par contre, lorsqu'il a bien récité surati an-najm de l'étoile à Mekka, les mushrikoun sont bien prosternés avec lui. Cette histoire-là, elle est vraie. Que les mushrikoun sont prosternés avec lui, cela est vrai. Cependant, l'histoire des gharaniq, des oiseaux, cela n'a pas été authentifié. Mais le sujoud des mouchikoun, celui-là a été authentifié. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, Ibn Hajar, dans Al-Fath al-Bari, lui, il voit que l'histoire, elle est authentique. Cette histoire des Raraniq, lui, il affirme. Cependant, comment est-ce qu'il a interprété cela, justement pour trouver une explication plausible et qui coordonne avec les textes? Il a dit quoi? Il dit, falil ulama an zalika ajwiba kathira wa min ahsaniha wa aqrabaha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yurattil surat tartilan yatakhallalahu sakatat falamma qara'a wa manat ath-thalithata al-ukhra qala ash-shaytan la'anahu Allah muhakiyan sawtihi tilka al-gharaniq al-ula ila akhir. Fadhanna al-mushrikuna anna sawtuhu sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bariyun min zalika. Donc il a dit qu'en fait, tout simplement, que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam récitait, il faisait avec tartil, c'est-à-dire avec lenteur, ce qui incluait des silences entre les versets. Il s'arrêtait entre les versets et laissait des temps. Et lorsqu'il a lu justement le verset Manat et les trois autres, surat Al-Najm, verset 20, que Shaitan à ce moment-là a imité sa voix et a dit tilka al-gharaniq al-ula, il a dit la parole à propos des oiseaux, que Shaitan a imité la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce silence là il a dit cette parole là à tel point que les mouchidikoun ont entendu la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins ont cru entendre sa voix dire cela, donc ils ont cru. Et bien évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en est innocent, il est impossible qu'il ait dit cela, d'accord? Donc voilà comment Ibn Hajar explique, parce que lui, cette histoire, il la voit comme étant authentique. هذا هو الذي ذكر في هذه المسألة. أنا أتحدث un peu plus long que d'habitude. وخير إن شاء الله. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.